Exercice 3. Bon, alors finalement, tu te plais bien dans ta nouvelle ville ? Ouais, au début, j'ai un peu de difficultés. Tu vois, le bruit, l'activité, tout ça, ça change vraiment de ma petite ville de province tranquille. Mais bon, finalement, je trouve que je me suis adaptée assez vite. Mais c'est sympa comme ville, non ? Il y a beaucoup d'arbres, de parcs, il y a un peu de nature, quoi. Oui, enfin, il y a environ 5 millions d'habitants. Ça fait beaucoup de gens pour un même endroit. 5 millions ? Ouais. Mais bon, moi, ce que j'aime, c'est que tout est possible dans cette ville. Tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux, à toute heure du jour et de la nuit. Le problème, c'est que tu perds beaucoup de temps pour te déplacer. Le métro est toujours bondé. Les rues sont toujours pleines de voitures. C'est fatigant à la fin. Franchement, certains jours, je préfère rester chez moi et ne pas sortir. Ah bon ? Ben, c'est vrai. Savoir que tu vas passer tout ton temps dans le métro, moi, ça me déprime. Mais bon, pas toujours. Je profite bien des sorties ici. Ah oui, moi, je préfère habiter dans ma petite ville. Et au fait, le week-end prochain, tu viens ou pas ?